Carlo Rovelli est un physicien théoricien éminent. Professeur à l'université de Aix-Marseille et directeur de recherche au CNRS, au Centre de physique théorique de Lumini. Il a inventé à la fin des années 80 avec Lise Molin la gravité quantique à boucle, l'une des voies peut-être les plus prometteuses pour unifier gravitation et physique quantique. Il s'est également spécialisé dans l'étude de la nature du temps et a proposé des idées très innovantes sur ce que peut être le temps s'il existe. Aujourd'hui, accompagné d'une jeune chercheuse italienne elle aussi, il vient de proposer une toute nouvelle idée sur les trous noirs et leur fin. Et Carlo Rovelli et Francesca Vidotto démontrent que les trous noirs ne sont peut-être pas du tout ce que l'on pense. Voilà. Il n'y a pas de singularité et il n'y en a jamais eu. Le puits gravitationnel qui s'est formé par l'effondrement de l'étoile massive concentre la masse, mais la densité ne devient jamais infinie. Une densité maximale est atteinte, et cette densité est la densité de Planck. En fait, quand l'étoile s'effondre, il arrive dans une durée très courte dans le temps propre de l'étoile, mais qui peut être très long pour un observateur extérieur, que la pression gravitationnelle quantique, c'est comme ça que Rovelli l'appelle, s'oppose à l'effondrement, ce qui produit un violent rebond. Comme je le disais, cela se déroulerait en un temps très court dans le temps propre de l'étoile. Mais comme ce phénomène se passe dans un puits gravitationnel très profond, au-delà de l'horizon des événements, où le temps est donc extrêmement dilaté, pour les observateurs extérieurs que nous sommes, cette durée nous semble durer très longtemps, des millions ou des milliards d'années. Comme les effets de gravitation quantique sont gouvernés par la densité d'énergie et non la taille d'un objet, Rovelli précise que l'étoile, qu'avec Francesca Vidotto ils appellent une étoile de Planck, a Planck star, peut tout à fait avoir une dimension plus grande que la longueur de Planck. Qui plus est, comme les trous noirs s'évaporent par rayonnement Hawking, les théoriciens italiens montrent que l'étoile de Planck, qui contient toute l'information du trou noir, finit par perdre un tiers de sa masse par rayonnement Hawking, laissant un résidu macroscopique, avec un horizon qui disparaît alors. À ce point, la pression gravitationnelle quantique peut alors disloquer le résidu et l'information emmagasinée dans le trou noir s'échapper à l'infini. Pour résumer, l'image que Rovelli et Vidotto donnent est celle d'une étoile qui s'effondre gravitationnellement jusqu'à atteindre très vite une taille qui lui donne la densité de Planck, et alors apparaît un rebond à cause de la répulsion gravitationnelle quantique produite par les propriétés quantiques de l'espace-temps. Le rebond se fait en une durée très courte pour l'étoile, de l'ordre du temps mis par la lumière pour parcourir le rayon de l'étoile. Mais du fait de l'énorme potentiel gravitationnel, le temps est très fortement dilaté et cette courte durée apparaît très longue pour l'observateur extérieur comme un film vu en extrême ralenti. Un trou noir ne serait ainsi rien d'autre que l'effondrement puis le rebond d'une étoile, le tout vu au ralenti. La durée de l'ensemble du processus, le collapse puis plus le rebond, est donnée par Rovelli et Vidotto comme étant proportionnelle à la masse du trou noir au cube. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des implications astrophysiques observationnelles à cette théorie, car au moment où l'étoile de Planck réapparaît à la fin de son rebond, une fois l'horizon disparu, il se passe des choses. Rovelli et Vidotto montrent que l'étoile de Planck doit disparaître littéralement en émettant toute sa masse résiduelle en rayonnement gamma. Et ils font le calcul. Partant du principe que l'univers primordial a produit une grande quantité de trous noirs de toute masse, ils calculent que les trous noirs étoiles de Planck, qui devraient arriver aujourd'hui au terme de leur vie cachée sous horizon, soit des objets âgés de 13,7 milliards d'années, doivent avoir une masse de 1000 milliards de kilogrammes. Ce faisant, cela fait une taille de l'ordre de 10 puissance moins 14 cm. Le rayonnement produit par le phénomène de gravité quantique impliqué doit avoir une longueur d'onde du même ordre de grandeur que cette dimension. Alors, en transformant la longueur d'onde calculée en énergie, par la formule classique E égale hc sur lambda, où lambda est la longueur d'onde, cela donne une énergie de l'ordre du GeV, des énergies qui sont tout à fait détectables par nos télescopes gamma préférés, comme par exemple Fermilat. Alors, les GRB qu'on observe si fréquemment, et dont on a bien du mal à déterminer l'origine, seraient-ils des signatures d'étoiles de Planck? Vous retrouverez cet article intitulé très sobrement Planck Stars par Carlo Rovelli et Francesca Vidotto sur le site de Preprint Archive, dont le lien est mis en bas de ce post.